Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Photographe voyageuse, Céline Jentsch parcourt les quatre coins du globe depuis une dizaine d'années. Son rapport aux autres, et particulièrement aux populations locales rencontrées au fil de ses voyages, se construit autour du respect et de l'empathie, ce qui explique la dimension profondément humaniste de son travail. En découvrant ces images sur Internet, je me suis rendu compte que nous étions presque voisins. La voilà dans mon salon pour nous parler de sa nouvelle vie de photographe voyageuse et de son livre « La photographie de voyage » publié aux éditions Erol. La première fois que je t'ai vu, c'était sur Internet. J'ai dû voir des images de toi qui circulaient, des images qui font rêver, des images qui font voyager. Puis, au salon de la photo, tu étais sur un stand et tu présentais un bouquin que tu as publié sur le thème du voyage, la photographie de voyage. Je crois que c'est ça le titre. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, avant de parler, de rentrer dans ce sujet du voyage, j'ai envie de m'intéresser un petit peu à toi, que tu me racontes ton itinéraire, ton parcours, et comment est-ce que tu as commencé à avoir envie de, d'ailleurs. Alors déjà, Internet a très bien fait son boulot, c'est super. Merci d'être venu vers moi par ce biais-là, en premier lieu. Alors, mon envie d'ailleurs est née d'un premier voyage que j'ai fait en Malaisie, en solitaire, en 2004. Donc j'ai commencé à voyager à long cours et seul assez tardivement. J'ai beaucoup voyagé par avant, plus en Europe ou en France. Mais ça a été vraiment une révélation et le déclic. Malgré tout, c'était un voyage qui était très difficile. Je pense essentiellement à cause du choc culturel, qui a vraiment été pas sans peine pour moi pendant ces trois semaines. Choc culturel, et puis peu à peu, surtout au retour, j'ai envie de dire, j'ai vraiment senti ce désir de découvrir le monde, les gens autour du monde, et puis de parcourir un petit peu divers pays et aller à la rencontre de diverses cultures. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se met sur la route à un moment donné dans sa vie? Pourquoi choisir de partir? Alors à la base, je voulais aller en Australie prendre des cours d'anglais, ce qui peut paraître un petit peu... qui peut faire sourire peut-être, surtout au niveau de l'accent des Australiens. Et puis, c'est en cherchant mon itinéraire pour me rendre en Australie que je devais passer par la Malaisie. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'arrêter en Malaisie. Et puis, au final, je me suis arrêtée pendant plus de trois semaines en Malaisie. Et c'est là que j'ai commencé réellement le voyage. Okay. Ouais. Et au bout de trois semaines, donc, tu as avorté ton projet d'apprendre l'anglais? Alors non, pas du tout, puisque bon, à la base, j'ai fait des études universitaires de langue étrangère appliquée. Donc là, c'était un petit peu pour me remettre dans le bain, pour en même temps découvrir le voyage et puis combiner donc l'apprentissage ou le perfectionnement d'une langue étrangère. Voilà, à la base, j'ai donc fait des études de langue étrangère appliquée. Je pense que c'était aussi dans l'idée un jour de pouvoir communiquer davantage avec des peuples de diverses langues. Aujourd'hui, quand on te trouve sur Internet, on te trouve en tant que photographe. Alors en fait, j'en parle dans l'introduction de mon livre, donc Les secrets de la photo de voyage. Au départ, j'ai été voyageuse. Je dis toujours que la photo est venue par la suite, ou plutôt elle m'a accompagnée dès les premiers voyages, mais on va dire de manière... simplement pour capter quelques émotions, quelques paysages, quelques scènes de vie que je rencontrais. Et puis la photographie a pris de plus en plus d'ampleur dans ces voyages, d'une part parce que j'ai toujours eu une culture à l'image, j'ai pratiqué la peinture pendant de nombreuses années, donc... Voilà, une culture de l'image, de l'esthétisme, de l'émotion aussi que je souhaite retranscrire. Et donc voilà, le voyage, c'est pas transformé en voyage photographique, mais les deux sont indissociables. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. hors micro, tu me parlais d'un boulot, hein. Tu n'as pas toujours été voyageuse, tu as aussi été salariée d'une entreprise. On n'est pas obligé de la citer, mais qu'est-ce qui fait qu'en étant salariée, c'est un petit peu le modèle qu'on nous montre, qu'on nous impose, nos parents souhaitent, rêvent pour nous, trouver un boulot, trouver la sécurité, trouver la stabilité, chose que tu avais. Et quand on renonce à ça, du coup, on saute dans l'inconnu, on doit faire face à ses peurs. Oui, j'ai été salariée pendant de très nombreuses années. Au fur et à mesure, je diminuais mon temps de travail pour me consacrer davantage à la photographie. J'ai envie de dire que la frustration, ou plutôt le manque de temps pour m'engager pleinement dans la photographie devenait de plus en plus importante. Et voilà, j'ai décidé un jour de lâcher complètement mon boulot de salarié pour me lancer en tant que photographe voyageuse. Dans l'idée d'en vivre. Dans l'idée d'en vivre, bien sûr. Oui. Et alors ? Et alors, je te donne rendez-vous dans quelques mois pour en reparler. Non, c'est bien sûr un gros challenge, on le sait. Enfin, tu as fait ton parcours, tu as déjà un long chemin aussi derrière toi par rapport à ça. Il y a bien sûr des choses qui tournent déjà. Avant de lâcher complètement, c'était peut-être une petite manière aussi de me sécuriser. Mais là, avec plus de temps, je pense que ça va aussi m'ouvrir quelques portes dans le sens où je vais pouvoir développer davantage de choses, surtout travailler de manière plus intense et aller plus dans le détail dans certains projets de reportage. Et donc voilà, j'ai toutes les cartes en main pour lancer quelque chose de plus concret. Et une question que je pose toujours la même, je ne suis pas original, c'est toujours la même chose, c'est le voyage. Qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage ? Comment est-ce que tu le définirais ? Qu'est-ce que c'est que voyager ? C'est déjà extrêmement riche en découverte du monde, découverte de différentes cultures, beaucoup d'émotions aussi, que j'essaie justement par le biais de la photographie et de mes récits sur mon blog de partager avec d'autres personnes, soit qui n'ont pas la possibilité de voyager, soit qui simplement sont des voyageurs passionnés aussi et qui aiment se plonger dans des récits pour voyager un petit peu entre leurs horaires de boulot. Voilà, c'est presque un petit peu unir tout le monde. C'est un petit peu faire connaître les autres à mon environnement déjà, à mon cercle familial, amical et maintenant cercle d'autres amis photographes. Looking at the beauty of creation. The sunshine is flashing my mind. Because we are dancing. pense qu'il y a à chaque fois des petits messages. Oser partir, oui, bien sûr. Je pense que tout le monde n'a pas la possibilité de partir, malheureusement. Et quelque part, partager ces expériences de vie, de voyage, c'est un petit peu leur faire un cadeau. Quelque part, je pense qu'on peut transmettre beaucoup par l'écriture, par la photographie. Et les retours sont souvent très positifs. Donc, c'est encourageant aussi pour moi de continuer dans cette voie-là. Je sais qu'on me dit souvent partir, oui, peut-être, pourquoi pas, je peux pas, j'ai si. Ou alors partir seul à quelque chose qui effraye. Et partir seul en tant que femme effraye d'autant plus. Est-ce que tu pourrais rassurer ou parler un petit peu, donner un mot, dire un mot de cette expérience-là? Parce que ton premier voyage, tu l'as fait seule en tant que femme, oui, dans un pays musulman. Oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai beaucoup voyagé seule, en fait, plus d'une dizaine d'années. Alors j'ai également fait quelques voyages accompagnés, parce que les lieux ne permettaient pas de voyager seul, qu'on était obligé de prendre un guide ou un chauffeur. Je pense que c'est une très belle expérience, on est très ouvert aux autres. On a des retours aussi assez exceptionnels. Par rapport à un voyage en groupe, je pense que les gens sont plus ouverts et viennent plus facilement vers vous en voyageant seul. Alors comme je l'explique aussi dans ce livre, la préparation du voyage est très importante. Déjà cibler la destination en tant que femme, c'est un petit peu plus compliqué de... Enfin voilà, on ne peut pas se dire on peut aller partout sans risque, ou en tout cas ça va demander un petit peu de préparation et d'adaptation sur le terrain. Donc il y a évidemment certains pays qui sont beaucoup plus simples pour une femme, pour voyager seule. En ce qui me concerne, j'ai commencé par l'Asie. Voilà, donc l'Asie, c'est vraiment un continent qui est assez exceptionnel. J'ai jamais eu aucun souci au niveau sécurité, je me suis toujours sentie très à l'aise, les personnes sont chaleureuses, accueillantes, voilà, très belle. T'en as parlé rapidement, on parlait de ton livre, est-ce que tu l'as ramené ici, est-ce que tu l'as avec toi, juste oui, pour le poser sur la table, et je vais m'y intéresser un petit peu, je l'ai vu rapidement posé sur la table au salon de la photo, et là voilà, ça y est, maintenant il est sur la table de mon salon, Les secrets de la photo de voyage. J'ai été... co-auteur sur un autre livre un peu plus technique sur le programme, le logiciel Lightroom d'Adobe avec Gilles Théophile. Et c'est un livre qui traitait de comment créer ses livres photos. Donc voilà, le module de Lightroom permet de créer des livres photos directement dans le logiciel. Et donc on a abordé ce sujet-là à travers un livre. Donc la partie technique que couvrait Gilles et puis la partie un petit peu plus graphique. Voilà, comment je monte un livre, comment je construis une histoire que j'ai couvert en deuxième partie de ce livre. Donc les secrets de la photo de voyage, ben, j'avais déjà collaboré donc, avec Erol auparavant. Et mon éditrice, qui aime beaucoup mon travail, qui me suit depuis quelques années, a créé une collection qui s'appelle « Les secrets d'eux ». Donc voilà, « Les secrets de la voyage » m'a demandé pour faire cet ouvrage. Donc on trouve dans cette gamme toutes sortes de différents styles photographiques. Il y a « Les secrets de la photo de paysage »,« Les secrets de la photo de bébé »,« Les secrets de la photo de macro ». Enfin voilà, il y a toute une gamme. Et moi, je couvre les secrets de la photo de voyage. Tu peux nous donner un secret, là? Si on ne parle pas trop fort, on nous en dira. Prendre le temps. Prendre le temps, se poser, repérer les lieux, essayer de percevoir un peu l'âme du pays, des peuples, et puis surtout aller à leur rencontre, bien sûr. Je pense que c'est le plus important aussi. Un voyage, même d'une semaine ou de deux semaines, peut être très intense. Et ce n'est pas parce que le voyage est court qu'on aura forcément de moins belles rencontres ou moins d'émotions. Mais quand on veut vraiment s'impliquer dans un sujet, je pense que le temps est primordial. Ok, donc Céline Jentsch avec moi, donc on parle de photos aujourd'hui dans cette émission Regarde d'ailleurs, parce que tu es photographe voyageuse. À partir de quel moment tu as commencé à photographier? Tu avais quel âge quand tu as fait tes premiers voyages photographiques? Alors je pense vraiment que j'ai fait de la photo, je pense comme tout le monde, encore en argentique, avec les films quand on partait en vacances de manière générale, mais là vraiment la photo... De manière plus construite, est venue assez tardivement. Comme je le disais, j'ai longtemps pratiqué de la peinture avant la photographie. Donc mon premier grand voyage en 2004, donc à peine 12 ans, et la photo de manière vraiment un peu plus poussée, il y a peut-être 6-7 ans à peine. Donc voilà, la photographie est vraiment venue par la suite. Et ce que j'explique aussi dans l'introduction du livre, c'est que je pense que c'était peut-être bien que je me plonge d'abord davantage dans le voyage que dans la photographie, pour justement m'ouvrir un petit peu au monde, aux diverses cultures, avant de prendre un appareil photo en main de manière plus professionnelle. Mais sur les images qu'on va retrouver dans le bouquin, donc dans ton fond photographique, là les premières, on date donc de 6 ou 7 ans, c'est ça? Alors non, il y a même des images de mes tout premiers voyages. Ce que j'explique, c'est que je me rendais compte, j'en avais pas forcément conscience, mais je pense que c'est mon parcours de peintre également auparavant, que les images sont déjà bien construites, qu'il y a un cadrage harmonieux, qu'il y a une recherche de la lumière. Donc voilà, quand je me replonge dans ces premiers voyages, j'arrive à sortir quelques images qui sont très fortes malgré tout déjà. Mais l'envie de vraiment faire de la photographie, c'est-à-dire d'apprendre la technique, parce qu'au départ, la technique ne m'intéressait absolument pas. J'étais en mode automatique. Enfin voilà, c'était vraiment l'expérimentation de la scène, l'expérience, les émotions vécues sur le terrain. C'était davantage ceci qui m'intéressait, que j'essayais de retranscrire en images, bien sûr. Et la technique est venue bien plus tard. Enfin, c'est surtout quand j'ai commencé à ressentir les limitations de la photo sans technique que je me suis dit, bon, là, il va falloir creuser un petit peu plus loin. En fait, c'est génial parce que j'ai en face de moi une photographe voyageuse, je fais partie de cette famille aussi. Et on te pose souvent des questions et tu dois trouver des réponses. Donc là, j'ai quelqu'un à qui poser les questions qu'on me pose. Qu'est-ce que c'est que photographe? Ben, photographe, c'est déjà observer. Je pense que l'observation est extrêmement importante. Observer pour comprendre aussi, parce que chaque photographe va interpréter une scène d'une autre manière. Donc en fait, c'est trouver aussi qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut photographier. Si on va sur le terrain ensemble, on ne photographiera pas du tout la même chose parce qu'on a chacun une sensibilité, une personnalité. Toi, tu vas être sensible à certaines choses, moi je vais être sensible à d'autres choses. En fait, c'est ce qui fait la richesse aussi du photographe. C'est de pouvoir finalement photographier et montrer ces images, c'est un petit peu se dévoiler aussi, parce que c'est montrer ce qu'on a au plus profond de soi-même et le dévoiler un petit peu à ceux qui regardent la photographie. Mais c'est observer, comprendre et puis partager ensuite. Pour en revenir à l'aspect plus voyage, comment est-ce que tu choisis tes destinations? C'est très divers, je pense que ça a pas mal évolué ces dernières années aussi. À la base, c'était peut-être simplement une image qui m'a fait rêver. Et puis au fur et à mesure, on fait des recherches sur Internet, on en parle, on regarde certains livres, on découvre certaines choses par rapport à cette destination. Et puis au fur et à mesure, j'ai tendance à travailler davantage sur des sujets un petit peu plus précis. Donc voilà, là je vais davantage cibler une destination en fonction du sujet que je souhaite couvrir. Donc on va faire ça, plutôt que te demander de me lister tous les pays dans lesquels tu as été, je vais te demander de me parler d'un reportage ou d'une série d'images ou d'une histoire que tu as envie de raconter dans le micro. Quelque chose qui... un travail, un boulot que tu as fait qui, pour toi, est important. Je vais prendre le sujet que je traite dans le livre parce que je trouve que c'est un très bon exemple. C'est la récolte du safran au Cachemire, donc dans le nord de l'Inde. Je suis partie là-bas 2 semaines et je suis allée à la rencontre de ces familles qui travaillent dans les champs et qui récoltent le safran. Tu savais que tu allais là-bas ou c'est en étant en Inde que tu as eu l'opportunité de partir découvrir ces cueilleurs de safran? Alors là, en l'occurrence, c'était un voyage préparé. Donc je ne peux plus dire par quel biais j'avais découvert cette récolte de safran au Cachemire, mais ça m'a tout de suite fait rêver. Et... je me suis dit, tiens, j'aimerais aller à la rencontre de ces familles. Donc 6 mois avant, j'ai commencé à préparer un petit peu le voyage, dans le sens où j'ai pris contact avec des producteurs sur place. Je leur ai simplement écrit en disant « Voilà, je suis photographe, j'aimerais faire un reportage sur votre région, votre pays, sur le safran de manière générale. » Et puis j'ai été accueillie à bras ouverts dans diverses familles pour venir voir que ce soit la récolte, ensuite la transformation du safran, le séchage, le conditionnement, etc. Je te demandais de me parler donc d'un reportage, d'un sujet. Tu as choisi celui-là, parce que tu parlais d'exemple. Hein, c'est un bon exemple qu'on retrouve dans le livre. Pourquoi avoir choisi celui-là ? Alors déjà, l'Inde, c'est un pays que j'affectionne énormément. La partie du Cachemire, je ne connaissais absolument pas. J'ai longtemps voulu y voyager, mais bon, il y a quand même souvent des tensions au niveau de l'histoire qui n'est pas simple, et des conflits avec le Pakistan. Et j'ai vu là une très belle opportunité. J'adore la montagne également. J'ai pu voyager dans l'Himalaya au Ladakh il y a une dizaine d'années. Ça a été un grand coup de cœur. Et donc la montagne liée à l'humain, c'était pour moi déjà une destination merveilleuse. J'ai regardé quelques images de cette région et bon, ça m'a fait rêver. Donc voilà, j'ai surtout vu il y avait peut-être aussi le fait que cette région soit peu visitée. Donc voilà, c'est aussi montrer des choses d'espoir finalement, parce que c'est un peuple qui est absolument, qui est très chaleureux et qui ne demande qu'à accueillir des touristes, même s'ils comprennent bien que c'est très compliqué. Dans le cas de ce sujet que tu as fait donc au Cachemire sur le safran, la cueillette du safran, c'était un projet personnel ? Est-ce que tu as répondu à une commande ou est-ce que tu as réussi à le valoriser derrière ? Juste pour inspirer ou pour donner un petit peu des clés à ceux qui aimeraient se lancer dans la photographie comme profession. Alors c'était un projet tout à fait personnel, j'avais pas de commande particulière. Par contre c'est un reportage qui a vécu déjà plusieurs fois à travers des expositions. Et puis ben voilà, dans ce livre il y a 15 pages sur ce reportage photo, donc quelque part... Voilà, j'ai réussi à le partager comme je le souhaite. Mais donc c'est possible encore aujourd'hui de partir avec son appareil photo parce qu'on aime l'image, de faire une série d'images, de raconter une histoire et d'essayer de trouver un diffuseur après. Je pense que c'est possible et c'est peut-être même nécessaire de nos jours. Voilà, enfin on sait que c'est de plus en plus difficile, qu'il y a encore de nombreux quelques années, certains magazines vous envoyaient un reportage photo. Je pense que le photographe doit vraiment être proactif et voilà, proposer par la suite des reportages. Il y a souvent la partie émergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, donc faire des photos de voyage, on dit que c'est génial, c'est le plus beau métier du monde, on part à l'étranger, on fait des images. Il y a toute une partie, tu parlais de Lightroom, mais aussi quand on rentre, il y a un travail qui est assez énorme, qui est des fois beaucoup plus chronophage que d'être sur le terrain. Oui, bien sûr, faire beaucoup d'images, ça ne sert à rien si après on n'exploite pas ces images. Exploiter dans le sens, vraiment essayer de créer quelque chose autour de ces images. Je ne pense pas être une personne qui fait beaucoup d'images en voyage. Simplement, avec le temps, je pense qu'on affine son regard. On va davantage à l'essentiel. On sait ce qu'on veut prendre en photo. On comprend les conditions de lumière, le moment, l'instant décisif, etc. C'est vrai qu'on veut peut-être en début, on a peut-être tendance à shooter un petit peu plus souvent, sachant qu'après, voilà, le tri se fait à la maison. Donc, ce que je dis dans mon livre, c'est faites votre tri déjà un petit peu à la prise de vue. On peut gagner du temps à la prise de vue. Mais après, il est certain que les images se traitent. Il y a déjà le choix des images qui est très difficile, qui ne va pas forcément être le même selon ce qu'on veut faire des images. Préparer une expo, publier sur le blog ou sur Facebook, ce ne sera pas du tout la même démarche de choix d'images. Thank you. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'image n'a jamais été aussi présente. Enfin, on n'a jamais produit autant d'images qu'à l'instant là auquel on se parle ou à l'instant auquel vous écoutez cette émission. Il y a aussi le côté contraignant de plus en plus de l'image, je pense au droit à l'image. C'est quelque chose dont on nous parle de plus en plus en France, faire signer des papiers, des model release quand on photographie quelqu'un. Comment toi tu te positionnes par rapport à la photographie de voyage et les gens qu'on va photographier, qu'on va rencontrer, qu'on va trouver beau, avec lesquels on va partager un moment, qui vont être là dans notre carte mémoire, qu'on va mettre sur notre logiciel Retour en France et qui peut-être va être publié un jour dans un magazine. Quel est ton point de vue par rapport à cette notion du droit d'image ? Oui, le droit d'image, bien sûr, on en parle de plus en plus. Il y a toujours plus de projets, de procès qui sont lancés chaque jour par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'en voyage, peut-être qu'on a encore un petit peu moins tendance à se poser les questions, surtout quand on voyage dans des contrées très éloignées où les personnes n'ont pas encore accès à Internet. Malgré tout, les sujets photographiques que l'on a, toi et moi, c'est toujours des sujets qui sont construits sur le respect de l'autre. Et je pense que tant que l'on ne porte pas préjudice à la personne, pour moi, le droit à l'image est respecté. Il y a une anecdote malgré tout qui m'a marquée l'année dernière en Mongolie. Donc je suis guide photographe pour Photographe du Monde en Mongolie. Et puis, on parcourt pendant 2 semaines les steppes mongoles et on passe d'une famille nomade à l'autre. Et puis, on est à chaque fois, enfin pour moi, c'est très important d'être présenté comme étant des photographes, donc avec un groupe de personnes qui veulent apprendre la photographie. Donc voilà, les familles sont prévenues. Et puis, l'année dernière, j'ai une dame, la mère du camp, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces images ?» parce que ma fille qui fait ses études maintenant à Oulan-Bator s'est retrouvée sur Internet. Et s'est retrouvée sur Internet, non pas dans une position qui la mettait en valeur, mais elle était en fait en train de traire les yaks. Donc elle était habillée aussi d'une robe qui était souillée par le lait de yak. Et puis bon, ben voilà, c'est une image qui l'a vraiment marquée. Les copains de sa classe ont vu cette image, donc se sont moqués d'elle. Et là, effectivement, le droit à l'image m'a vraiment posé problème. Et je me suis dit, jusqu'où on peut aller, comment on peut faire pour que ce genre de situation n'arrive pas. Alors évidemment, en France, on fait peut-être plus facilement signer un papier pour que la personne accepte d'être publiée. Mais je, en tant que photographe voyageur, c'est quasiment une mission impossible. Pour voir ton travail, j'imagine un site internet, on va donner l'adresse. Oui, alors c'est www.cephotogenique.com. Merci Céline. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.